des apéros réussis. Bière pour emporter, alcool locaux, grignotine, aucun détail ne sera négligé pour vous assurer des moments de qualité. Pour plus de détails sur nos heures d'ouverture ou sur la sélection de bières et de produits disponibles, suivez-nous sur notre site web au corrigan.ca et sur nos réseaux sociaux. La Corrigan, 380 rue Dorchester. L'accroche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à l'accroche-oreille, l'émission qui se passionne pour l'art sonore et les musiques inclassables. Je vous propose ce soir un survol de l'univers sonore de l'artiste, éditeur, graphiste, producteur, musicien, artiste visuel et sonore Dale Lloyd. Dale Lloyd, c'est un vieux routier de l'expérimentation sonore, mais aussi un animateur du milieu artistique américain. Il a fondé la plateforme de diffusion End OA. Il y a une vingtaine d'années. Vous trouverez ça sur le web et sur le site Bandcamp notamment. Donc, il crée cette étiquette afin de soutenir et de publier des artistes qui œuvraient à l'époque dans le domaine de l'enregistrement environnemental. De 2001 à 2005, Dale Lloyd a d'ailleurs produit une célèbre série de compilations d'enregistrements sur le terrain du field recording intitulée phonographie.org. Qui demeure encore une référence dans le domaine. Je vous propose donc ce soir l'écoute de pièces tirées de 3 albums. Il en a produit plusieurs, évidemment, depuis une trentaine d'années de création, mais 3 albums qui donnent un bon aperçu de l'imaginaire sonore de Dale Lloyd. Il s'agit des albums No Random Events, Enabling Articulate Fields, Turba, Lateral Minor. Je vous propose qu'on écoute dès le départ une série de titres tirés de l'album No Random Events. C'est l'album qui, au départ, a attiré mon attention. C'est un de ses plus anciens, lancé il y a 20 ans exactement et qui est particulièrement significatif dans sa démarche. Lloyd raconte d'ailleurs ceci, j'ouvre les guillemets, il dit « Il s'agissait de ma première incursion dans la composition d'une œuvre intégrale dans un style électroacoustique, musique concrète, dite classique. Le titre fait en partie référence au concept de conscience pleine et entière comme moyen de composer et d'écouter surtout de la musique. On raconte à l'endos de la pochette qu'une augmentation de volume d'écoute avec des haut-parleurs stéréo fortement recommandés, certains éléments sonores étant plutôt subtils. Alors, à votre guise, mais on écoute ça à niveau de volume tempéré. Alors, on vient d'entendre quelques titres tirés de l'album No Random Events de Dale Lloyd, artiste sonore et visuel, fondateur du label de diffusion End AOR. On a relativement peu écrit sur le travail sonore de Dale Lloyd. C'est le destin de bon nombre de créateurs sonores qui font d'œuvres de pionniers, pionnières dans le domaine des arts au sens large. Cela dit, on a souligné avec justesse la capacité de Dale Lloyd à combiner des éléments austères et hétérogènes pour produire quelque chose d'unique et d'engageant sur le plan de l'écoute. On y retrouve des détails microscopiques magnifiquement agencés, une grande maîtrise de l'assemblage, musique profondément pénétrante aux yeux de nombreux critiques. À cet égard, la revue Paris Transatlantique met ça un peu en perspective, et là je vais les guillemets, des paysages sonores enivrants dans lesquels le tonnerre, la pluie, les oiseaux et les insectes fusionnent de manière peu orthodoxe avec des subsoniques sans fin, évoquant un tremblement de terre lointain dont les ondes sont ressenties sous le tissu musculaire. Tout ça pour créer une expérience d'écoute vraiment riche et absorbante, souligne le critique du magazine. Je vous propose donc qu'on écoute des pièces tirées d'un album intitulé Elemental Dialogue. C'est un album constitué de pièces qui combinent des sonorités de sources diverses. Le feu, le vent, le verre, le bois, le métal, l'eau et la glace y sont. là, présent soniquement, le tout combiné à la magie des champs électromagnétiques. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je vous reviens après un bref battement promotionnel. CKRL. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. La croche-oreille. Alors, c'est la croche-oreille qui se poursuit et j'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y trouverez le descriptif de l'émission ainsi que toutes les émissions disponibles en balado diffusion pour écoute immédiate. Alors, on poursuit la seconde demi-heure autour du créateur et expérimentateur américain Dale Lloyd qui a notamment créé la plateforme de diffusion d'art sonore AND, dont je vous parle tout de même un peu. Alors, cette étiquette AND, c'est un éditeur et un diffuseur spécialisé de sonorités, notamment environnementales et expérimentales. Sa mission principale au début des années 2000 a été de sensibiliser le public à l'environnement sonore qui nous entoure et d'encourager les citoyens en général à une compréhension plus large et une appréciation plus profonde de tout ce qui est sonore. Le sonore et la vie pour Dale Lloyd sont une sorte de credo qui nous rappelle celui de Murray Schafer, l'agitateur et compositeur sonore canadien qui a développé cette philosophie du paysage sonore qui alimente aujourd'hui de nombreuses démarches artistiques. Alors, au dire de Dale Lloyd, la gamme sonore du label AND s'est élargie en 2008 pour inclure des sonorités provenant non seulement d'univers environnementaux, mais aussi d'installations liées ou non à l'enregistrement sur le terrain et des travaux in situ, tout en préservant l'orientation originale du catalogue principal vers l'art sonore environnemental qui fait référence dans ce cas-ci à divers types de captures sonores réalisées avec toutes sortes d'objets, des microphones en plein air incluant des capteurs, des piézos, des hydrophones, des géophones, radio à ondes courtes, récepteurs, transmissions par satellite, micro-inductifs, j'en perds mon latin, détecteurs de chauve-souris, voilà, c'est l'univers technique de Dale. Alors, on poursuit avec cette fois une pièce sonore réalisée par Dale Lloyd qui qui constitue à elle seule l'album Enabling Articulate Fields. C'est une pièce réalisée à partir d'enregistrements de microphones stéréo et de microphones de contact d'un synthétiseur analogique Moog ConcertMate MG100 pour les spécialistes, tout ça mixé dans le ventre d'un ordinateur. Alors, on vient d'entendre la création Enabling Articulate Fields. C'est une pièce tirée de l'album éponyme de l'artiste Dale Lloyd, artiste sonore et fondateur du label NOAR. Évidemment, on est toujours périlleux et un peu ingrat, sinon injuste, de résumer le travail d'un artiste sonore en moins de 50 minutes. Mais voilà, pour compléter vos écoutes du travail de Dale Lloyd, je vous suggère de fréquenter d'autres œuvres sur le site Bandcamp, ainsi que des travaux de très nombreux collaborateurs sur le label NOAR. C'est également sur le web en faisant une recherche. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous trouverez le détail des pièces entendues sur le site lacrocheoreille.wordpress.com et je vous invite à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL pour découvrir ensemble des sonorités nouvelles et des expérimentations audacieuses. Je vous propose qu'on écoute pour terminer un enchaînement de pièces tirées de l'album Turba Lateral Minor. C'est un album lancé en 2004, ça fait tout de même un petit moment, et qui reste, ma foi, encore très pertinent. Cela dit, restez avec nous sur les ondes de CKRL. Alors, voilà, merci d'être à l'écoute. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.